Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast concernant la pleine lune du mois de janvier 2023. Donc elle va se produire, alors selon le vendredi 6 à 23h09 GMT. Cela nous fait le samedi 7 à minuit 8 environ en France. Elle va se produire à 16 degrés 22 du signe du Cancer. Alors, quand une pleine lune se crée, le soleil est en Capricorne et la lune, eh bien, elle se situe juste en face, au degré près sur le zodiaque, en Cancer, et c'est donc une opposition soleil-lune. Cette pleine lune, c'est la première pleine lune qui suit le solstice d'hiver. Alors, les jours vont se rallonger et les ténèbres vont se dissiper. Donc on est ici dans l'axe Soleil en Capricorne. L'axe Soleil en Capricorne, donc il est en lien avec la maison astrologique 10. Et de l'autre côté, on a la Lune en Cancer qui est en lien avec la maison astrologique 4. Donc ça nous fait un axe 10-4. Et cet axe, eh bien, tout simplement, on a d'un côté le travail, l'ambition, la carrière, la destinée socio-professionnelle représentée par la maison 10, et de l'autre côté, la famille, le foyer, l'habitat, les racines représentées par la maison 4. Donc, ces domaines sont ici concernés. La pleine lune. En Cancer, elle attire notre attention sur le foyer, sur la vie intime. Elle nous aide aussi à y voir plus clair sur les points qui concernent, alors soit notre habitat, notre vie de famille, notre intimité. Alors la pleine lune en Cancer, elle nous propose en tout cas de bien équilibrer, si c'est nécessaire, notre vie personnelle et socio-professionnelle, afin de ne négliger aucun des pôles. Alors, du coup, eh bien, c'est l'occasion, en ce début d'année, de nettoyer notre maison, de se défaire de certaines choses qui nous encombrent, et c'est au propre comme au figuré, c'est-à-dire que c'est l'occasion aussi d'en faire de même pour notre personne. Donc c'est le moment de laisser tomber certaines méfiances, certaines défenses, de quitter notre carapace et de faire davantage confiance ou de nous faire davantage confiance. Alors, située dans un signe d'eau, la lune en Cancer, elle peut nous rendre plus émotifs, plus fragiles et entraîner parfois des humeurs fluctuantes. Donc, sous une pleine lune en Cancer, eh bien, sachez-le, les émotions que nous avons cachées ou tentées de contrôler depuis un moment risquent bien de refaire surface. Donc, c'est positif quand même parce que cela nous permet d'en prendre conscience vraiment et d'apporter les changements nécessaires pour se sentir en harmonie avec nous-mêmes et avec notre environnement. Alors si on fait un petit zoom sur cette pleine lune du 6 et du 7 janvier 2022, eh bien la pleine lune en Cancer, ici on voit qu'elle est liée au trigone Mercure en Capricorne, Uranus en Taureau. Elle confère donc plus de flair pour les affaires, et elle peut aussi résoudre une énigme qui tracassait. Donc elle apporte une solution pour avancer, pour changer ce qui ne fonctionne pas. Elle amène un éclairage dans notre vie pratique, tout ce qui concerne les changements, les déménagements, l'évolution des conceptions sont ici encensés. Alors dans ce ciel de pleine lune, on voit aussi les liens positifs entre Vénus et Jupiter, mais aussi entre Vénus et Mars. Et tout cela, eh bien, représente quand même beaucoup de satisfaction, normalement du plaisir ressenti, du bien-être, un soulagement peut-être, de l'espoir, de l'optimisme qui reviennent. Alors, certains peuvent même voir aboutir sous cette pleine lune une signature importante, un contrat. Alors, tout le monde est concerné par les pleines lunes, mais les signes les plus touchés par celles-ci sont les cancers, les capricornes, les béliers, les balances, les scorpions, les poissons, les taureaux et les vierges. Et vous serez aussi plus sensible à cette pleine lune si votre ascendant ou votre lune tombe dans l'un de ces signes. Alors, petit horoscope signe par signe. Alors, la pleine lune pour les béliers, eh bien, elle vous fait remonter vos désirs profonds. Et donc, c'est le moment de faire une mise au point sur ce qui vous motive et ce qu'il faut changer plutôt dans votre vie privée. Taureau, eh bien, la pleine lune, elle peut vous aider à signer une affaire, à faire aboutir un contrat, à revoir un projet avec de nouveaux éléments plus motivants. Gémeaux, la pleine lune attire votre attention sur vos finances. Donc, si vous frappez à la bonne porte, eh bien, vous pourriez obtenir une aide que vous n'attendiez plus. Cancer, la pleine lune vous incite à vous affirmer là où vous n'aviez peut-être pas osé vous exprimer jusqu'ici. Donc, n'hésitez pas à mettre en avant vos désirs. Lion, la pleine lune réveille votre audace et vos ambitions si elles s'étaient un peu engourdies pendant les fêtes. Alors, selon votre situation, vous reprenez du poil de la bête ou vous foncez de plus belle. Vierge, la pleine lune vous encourage à faire appel à des amis ou à des collaborateurs pour faire jaillir un projet prometteur. Balance, alors la pleine lune, elle éclaire votre parcours professionnel et ou votre secteur financier. Ici, vous gagnez en confiance, vous faites un bond en avant dans l'évolution de vos affaires. Scorpion, la pleine lune peut vous faire changer d'avis concernant une relation sentimentale. Alors allez à la découverte des autres, ayez un regard différent, vous ne serez pas déçu. Sagittaire, la pleine lune peut vous apporter un éclairage sur vos finances, des biens familiaux ou peut-être des biens immobiliers. Donc voilà, profitez-en. Par contre, une révélation sexuelle est possible aussi. Capricorne, la pleine lune vous encourage à approfondir un désir commun en couple, en famille. C'est le moment d'y croire et peut-être même de ressortir un projet d'un vieux tiroir. Verseau, la pleine lune amène dans votre corps du bien-être. Alors détendez-vous, c'est le bon moment pour méditer, pour souffler, pour chasser les crispations de votre corps. Et enfin, poisson, la pleine lune vous amène beaucoup de joie, de plaisir lié à vos enfants, à vos neveux. Et selon votre situation, eh bien, vous pourriez avoir envie d'agrandir votre famille ou de pondre une belle création artistique. En tout cas, je vous souhaite une très belle pleine lune de début d'année 2023 et je vous retrouve dans une petite quinzaine de jours pour la nouvelle lune. À bientôt!